Vicieusement, ours sensible, intuitif comme une femme, pas un peu amoureuse d'elle, non, je me mets en colère, idiot. C'est absolument faux. D'un geste, j'ai balayé l'hypothèse. Sam n'ajoute rien. Il endosse, avec sa forte carrure. Il se penche sur moi, m'embrasse, et sa grosse papatte me caresse la joue, tendrement. Je suis envahi par les corbeilles de fleurs, des dizaines et des dizaines de bouquets, des coups de téléphone, des cadeaux, et ce tora, d'Alice, rien, ni fleurs, ni couronne. Une semaine douillette s'écoule. Alice doit arriver lundi prochain. Le chirurgien parle de me faire sortir mardi. Il n'en est pas question. Je ne veux absolument pas laisser Isabelle et Alice seules une nuit. Il ne faut pas tenter le diable. Je veux être là. Je tempête. Je supplie. J'obtiens enfin un gain de cause. Je sortirai dimanche. S'il avait refusé, je serais partie quand même. À quatre pattes. Si nécessaire, je ne veux pas les laisser seuls. C'est un risque que je prends, de les laisser se revoir, avec dans leur cœur cet amour latent, inachevé, tué dans l'œuf. Je prends ce risque parce que j'ai besoin d'Alice, pour mon travail et pour mon cœur encore meurtri. Mais je ne tiens pas du tout à ce que leur histoire recommence et qu'elle se réalise à mes dépens. Dimanche matin, Dominique et Rachel, la femme de Sam, viennent me chercher. Comme je marche très difficilement, je monte en voiture pour faire les 100 mètres qui nous séparent de la maison. Qu'il fait beau, que c'est bon dehors lorsqu'on est resté cloîtré 10 jours. Ces gens qui marchent, un chien qui hume une roue de vélo avant de lever la patte, le calme de la place, ce dimanche de novembre à 10h du matin. Je respire, je hume comme le chien, à plein poumon, l'odeur de la vie. C'est beau la vie. C'est beau la ville. La concierge me dit bonjour. Congratulations. Nous prenons l'ascenseur. Nous entrons. Isabelle surgit ébouriffiée, sortant du sommeil. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillée? Mais parce que tu as aidé au club hier soir et qu'on voulait que tu te reposes. Elle fait la tête. Ce n'est pas gentil. Pas un mot de bienvenue, pas un baiser, pas un sourire. Le chien Victor, lui, me fait la fête. M'assaille de coups de langue et gémis de joie. Dominique et Rachel s'en vont. Dès que la porte se ferme, je ne peux m'empêcher de dire, dents serrées, merci pour l'accueil. Et alors le ciel d'Isabelle change avec cette rapidité qui me déroute toujours. Elle se précipite sur moi. Oh mon amour, je me faisais une telle joie d'aller te chercher à la clinique avec elle. Je leur avais dit de venir me réveiller. C'est par gentillesse pour toi qu'elles l'ont fait. Essaie de le comprendre, dis-je sèchement. Je me ferme, je me bute. Quel retour. Viens, dit-elle, viens voir. Elle m'entraîne dans la chambre. Deux autres bébés pinchés, semblables à Victor, sont là, lovés dans la fourrure. J'éclate de rire. Elle a vraiment le don de me surprendre. Gênée, pudique, elle minimise son attention avec des gestes adorables. Rassure-toi, on me les a juste prêtés, c'était pour te faire plaisir. Je me déshabille et me glisse sous les draps propres et frais, sans cette odeur d'hôpital qui a saturé mes narines ces derniers jours. Isabelle est auprès de moi, il y a plein de petits chiens grouillants sur le lit. Il nous mordit, bondissent, aboie, il joue, je suis heureuse. 3. Isabelle et Aimée sont allées à Orly chercher Alice. Je les attends à la maison, assise sur le divan du living. Calme? Oui. Impatiente? Un peu. De la crainte, de la peur pour mon avenir, celui d'Isabelle, du 4? Aucune. J'attends, sereine et presque satisfaite. L'ascenseur, des voix, la clé dans la porte. Elle entre la première, les épaules couvertes avec une cape verdâtre fort laide, le même visage charmant, la même crinière folle. Elle vient vers moi, souriante. Je me lève difficilement, je l'embrasse. Merci d'être venue. Ne restez pas debout. Elula, asseyez-vous, je vous en prie. Nous prenons un verre. Claire, l'ami d'Aimée, est venu nous rejoindre. On parle de tout et de rien. Nous allons dîner dans un grand restaurant. Je vois Aimée observer Alice, la juger, la jauger, avec cet air indifférent, presque distrait qu'elle prend toujours dans ces occasions, avec ses petits yeux noirs et vifs auxquels rien n'échappe, inquiète du jugement d'aimé, j'essaie de regarder Alice avec ses yeux. Elle se sert correctement de ses couverts, ne parle pas la bouche pleine. Je croise enfin le regard d'aimé. Elle me fait un clin d'œil. Je respire. Alice lui plaît. Après dîner, nous allons aux quatre toutes ensemble. On m'y fait, bien sûr, un bel accueil. Je m'assieds sur un tabouret, à côté de Momo la disquaire. Interdiction de bouger. Il y a seulement 10 jours que j'ai été opérée. Vanina est là, et la faculté m'oblige, toutes les 2 heures, à descendre de mon trône pour faire quelques pas. Car c'est un trône que ce tabouret. Les clientes s'arrêtent pour me dire bonsoir et bavarder. L'estrade de Momo est devenue ma cour. Je présente Alice aux habitués. Alice, qui va travailler avec nous maintenant. Elle commence tout de suite. Prend les commandes, sert, passe un moment derrière le bar pour se faire expliquer par Pascal le système de tickets. Les habitudes de la maison. Assez tôt, je repars avec Alice et Isabelle. Il est convenu que ce soir elle dort chez nous. Demain, elle ira chez une de ses sœurs, mariée, qui habite à 2 pas du 4. Étrange sensation que de la savoir couchée, là, dans la chambre d'amis, de l'autre côté de la cloison. Isabelle près de moi, contre moi. Alice près de moi, si loin de moi. Plaisir à peine teinté d'un peu de mélancolie, je suis heureuse. Je réagis bien. Je suis fière de moi. J'ai recouvré mon sang-froid. Je sens que bientôt, Alice ne me fera plus mal. Le lendemain matin, Isabelle s'est levée tôt. Elle est partie faire des photos. Je me lève, prends mon thé dans la cuisine et prépare un plateau pour Alice. Je m'allonge dans la salle de séjour et je lis. Le chien Victor blottit contre moi. Elle apparaît sur le seuil, la crinière hirsute, les yeux pleins de sommeil, slip et t-shirt. Bonjour, dit-elle en bâillant. Bonjour. Bien dormi, comme un ange. Petit déjeuner, ne vous dérangez pas, je vais le faire moi-même. Je me lève péniblement, non, non, tout est prêt. Jus de raisin et café noir, c'est bien ça, n'est-ce pas? Elle hoche la tête. J'apporte le plateau, marchant lentement. Je me rassieds. Le silence. Elle boit à petits coups, allume une cigarette. Je suis contente que vous soyez venue. C'est drôle, dit-elle maladroitement. Quand j'ai revu Isabelle, à l'aéroport, hier soir, ça ne m'a rien fait. Je lui ai dit bonjour vraiment comme un copain. Mais quand je vous ai vu, vous, ici, assise, ça m'a, je ne sais pas comment dire. J'enserre cette petite phrase nuancée dans mon cœur. Allons, elle ne m'en veut pas. Elle a même pour moi un lambeau de tendresse qui traîne dans un coin de son cœur. C'est ce que je pouvais souhaiter de mieux. Ne pas avoir été seulement le dindon d'une triste farce, mais la victime d'un choix difficile et douloureux. Je reste à Paris encore 3 jours. Alice s'installe aisément dans son nouvel emploi. Elle est un peu trop Jules pour mon goût, mais peu à peu, on la transformera. Isabelle, surtout, la conseillera pour s'habiller. Nous partons en Suisse une semaine, pour ma convalescence, dans un petit village au-dessus de Vevey où vit une amie d'enfance d'Isabelle. Nous avons, à l'hôtel du pays, la plus belle chambre, capitonnée de toiles de Jouy rose vif au rouge tendre selon les jeux de lumière du soleil sur le lac qui s'étend sous nos fenêtres. Le calme, la forêt est plus loin, plus haut, la neige, les petits décis de vin blanc, la raclette, la fondue, l'amitié chaude de nos hôtes. Le chien Victor cabriolant en manteau rouge dans la neige immaculée des Pléiades. Petite fraise des bois noyée dans de la chantilly. Isabelle et moi chaudement mitouflés, mains unies, souffle et nez froid, ensemble. Le bonheur, la tendresse, l'amour. Elle est un volcan, un torrent de lave à qui je fais l'amour jusqu'à l'épuisement. Elle ne me touche pas, car je suis encore trop sensible pour accepter ses caresses. Alice, je n'y pense plus. Elle est rangée dans la bibliothèque, à la lettre A, comme aventure, comme accident, comme adieu, comme assistante, comme adjointe. Elle est à Paris, elle est au 4. Je ne désire rien de plus. Le feu, la neige, des jours délicieux. Je marche presque bien, Ma cicatrice est très belle, elle sera invisible. Mon sexe, bêtement glabre, se couvre d'un duvet de fillette. C'est Isabelle qui m'avait rasé, avant ma rentrée en clinique. Elle n'avait pas voulu laisser à une infirmière anonyme le soin de me préparer. Tu es à moi. Je ne permets pas qu'une autre que moi voie tes lèvres, te touche. Tout s'est bien passé durant mon absence. Je recommence à travailler le vendredi. Le samedi soir, Isabelle exige que je rentre me coucher plus tôt. Il y a beaucoup de monde, je suis restée longtemps debout. J'accepte. Vanina me raccompagne. Alors, que penses-tu d'Alice ? Lui dis-je. Très bien. Elle fait très bien son boulot, n'est-ce pas ? Tu vois, j'avais raison de la vouloir à tout prix. Un petit haussement des sourcils. Vanina ne parle jamais pour ne rien dire. Je ne lui ai jamais expliqué l'incident de Cannes, la fameuse nuit, malgré notre amitié profonde. Mais elle a deviné bien des choses et n'en a rien dit. Je sais simplement qu'elle n'était pas totalement d'accord pour qu'Alice vienne à Paris entre Isabelle et moi. Je n'insiste pas. Je préfère ne pas prolonger une conversation qui peut devenir gênante. Dimanche, je ne travaille pas. C'est mon jour de repos et je ne sortirai pour rien au monde. Petit dîner en tête à tête avec Isabelle, mon amour adorable. Retrouvé. 4. Lundi soir, c'est le jour de repos d'Aimé. Je suis donc seul au club pour assurer la fermeture. Il y a un peu de monde mais pas de clients très intimes. Aussi je reste assise au bar. Alice vient sans arrêt près de moi. Elle me parle, elle plaisante avec moi comme elle ne l'a jamais fait. Elle se frotte à mes jambes, pose ses mains sur mes genoux. Jamais, jamais, même au plus chaud de l'été, elle n'a été aussi tendre avec moi. Je suis surprise, ravie, étonnée, heureuse de voir qu'elle a définitivement oublié le passé et qu'elle ne m'en veut pas. Je suis tout de même en alerte. Mon cœur reste fragile. Aurais-je la force de lui résister? J'avais promis à Isabelle de rentrer tôt, mais Alice et mes autres filles veulent m'entraîner dans une boîte derrière la tour Montparnasse qui recueille tous les traînards du petit matin, le pire et le meilleur. Venez avec nous. Non. J'ai promis à Isabelle de rentrer tôt. Tout le monde insiste. Surtout Alice, avec son regard de plus en plus enjôleur, sa main posée sur ma cuisse, son sourire de jeune animal. Je suis déroutée par son attitude. Que signifie cette gentillesse soudaine? Nous allons à l'étrier. Pascal et Alice sont dans ma voiture. Elles s'entendent très bien. Pascal, consciencieuse, méticuleuse, professionnelle, apprécie le travail d'Alice. Elle l'appelle pilule à cause de ses petits seins. Elle plaisante. Je souris avec elle. Bonne équipe. Belle équipe. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup d'ambiance. Pratiquement, la nuit qui s'achève dehors commence à peine ici. Le spectacle qui a lieu deux fois par semaine commence à 6h du matin et la boîte fermera vers midi. Comme à la conga de Cannes. Travesti et putain, voyous et bourgeois noceurs, personnel de boîte et artistes se côtoient sans se mélanger. On s'assied par bande, dans un des multiples décrochements de la salle qui permettent de voir la piste, où que l'on se trouve, ou bien on reste au bar pour retrouver des copains, bavarder, être aux premières loges pour voir les gens entrer ou sortir. Les filles m'asseyent au bar, on prend soin de moi comme d'une potiche chinoise de prix. Gérard, le patron, m'offre une bouteille de champagne pour fêter ma première sortie. Je suis bien, entouré, disponible. C'est presque la fête. Je vais aux toilettes me redonner un coup de peigne. La porte s'ouvre, c'est Alice. Elle entre, referme la porte, me saisit dans ses bras et m'embrasse violemment. Je retrouve ses petites dents pointues, ses bras qui me serraient si fort et si vite dans les toilettes du snack. À Cannes, je vais ouvrir la bouche. Elle me bâillonne d'un autre baiser. Tais-toi. Tu n'as rien compris. Tu n'as jamais rien compris. Je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Absurde. Étant donné les circonstances, deux vers de racine me vinrent alors, incompréhensiblement, à la mémoire. Éphèdre au labyrinthe avec vous descendu barre oblique ce serait avec vous retrouvé ou perdu. J'aurais mieux fait de me souvenir qu'en guise de labyrinthe, J'avais les toilettes et les bras d'Alice. Je rêve, elle me serre frénétiquement, me couvre de petits baisers secs. C'en était fait de moi, de mes serments, de mes résolutions, avec vous retrouvés ou perdus. La porte des toilettes s'ouvre, du bar. Les filles du 4 peuvent nous apercevoir. Je me dégage. On nous voit. Je m'en fous. Tant pis si vous me repoussez. Je n'en peux plus. Je ne peux pas parler. Je l'étreins à mon tour puis m'écarte. M'arrache à elle et sort. Je dois avoir les yeux brillants, l'air éclatant de joie. Aussi, pour justifier ce qui doit étinceler sur mon visage, je dis, Alice vient de m'annoncer qu'elle reste définitivement avec nous. Nous avions, en effet, laisser entendre qu'elle n'était là qu'à l'essai, ne sachant pas si Paris lui conviendait, afin que les autres filles soient sympathiques avec elle puisque nous en avions renvoyé une pour la prendre. La nouvelle est accueillie avec joie. Nous décidons d'aller manger quelque chose sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon assiette. Alice a emprisonné mes jambes entre les siennes, nos yeux ne se quittent plus. La conversation décousue et sans intérêt des nos sœurs du petit matin nous arrange. Nous parlons pour nous seuls, à mi-mot, à mi-souvenir. Je vous raccompagne, dis-je à Alice. J'arrête ma voiture rue du Four, au coin de la rue Princesse où elle habite chez sa sœur. Parler, parler. Jamais elle ne m'a autant parlé en 3 mois d'été. Un orage qui crève dans un cœur près d'éclater. Comment as-tu pu croire que j'aimais Isabelle? Alors que je t'ai dit que je t'aimais, comment as-tu pu penser qu'elle m'intéressait? Mais alors pourquoi? Pourquoi cette comédie? Parce que je ne voulais pas être la cause de votre rupture. Je ne voulais pas lui faire du mal. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Mais toi je t'aime. Je n'arrive pas à vous croire. Ce fut tellement atroce. Tellement cruel. Tu sais bien que je ne sais pas mentir. Demande à mon patron. Au snack. Après ton départ. Quand il passait une ostin noire, je devenais toute pâle. Et combien de fois j'ai pleuré en entendant notre disque. Rock me baby, malade. J'en étais malade. Tu ne peux pas savoir. Mais pourquoi cette farce horrible? Pourquoi y avoir mêlé Isabelle? Je ne savais plus quoi faire. Comment faire? J'ai hésité pour venir travailler ici. Mais il fallait que je sois près de toi. Je n'en pouvais plus. Je voulais attendre 3 ou 4 mois pour te dire tout ça. Attendre que tout soit vraiment calmé. Essayer de t'oublier avec une autre. Alors seulement je t'aurais raconté toute la vérité. Je t'aurais avoué combien je t'avais aimé. Des larmes coulent sur mon visage. Le barrage a craqué. Il devait être bien frêle mon bastion contre Alice. Bien fragile ma citadelle d'amour, Isabelle. Tout s'est écroulé au premier mot d'Alice. Ce petit démon à l'air angélique qui nous manœuvre comme des pantins, qui m'a jeté et me reprend. Elle me serre dans ses bras, m'embrasse, me caresse, murmure des mots fous, tendres, qu'elle ne m'avait jamais dit. Je n'osais pas, je ne voulais pas, je n'avais pas le droit de t'aimer. Mais c'est plus fort que moi. Mes larmes sont de joie. Avec vous retrouvés ou perdus, comme une ritournelle mélancolique, sévère mon top CD, accompagnant ce jour tout neuf que nous avons vu naître et grandir ensemble. Il est 10 heures du matin maintenant. Le boutiquier devant lequel je suis garé a depuis longtemps levé son rideau de fer. Je contemple sans les voir les stylos, les calendriers, les agendas. Bientôt la fin de l'année. Il faut que je rentre. Non, non. Pas encore. J'ai eu trop de peine à dissimuler mon amour depuis mon arrivée. Donne-moi encore quelques minutes. Je n'arrive pas à te croire. N'est-ce pas un nouveau jeu que tu as inventé? Ne vas-tu pas m'assassiner une nouvelle fois? Jamais, jamais plus que je ne te ferai de mal. Tant pis pour Isabelle. Elle t'a eu à elle pendant 4 ans. Maintenant c'est moi qui te veux. C'est pour toi. Pour être auprès de toi que je suis venu à Paris. Qu'allons-nous devenir? Je ne veux pas faire de mal à Isabelle. Je l'aime, tu le sais, différemment de toi, mais je l'aime tant. C'est un peu mon enfant. Je sais, c'est bien pour ça que je ne voulais pas venir. Je n'ai pas ma place entre vous. Si, si, laissant faire le temps. Tu m'as bouleversé, ce soir, je ne sais plus. Mon Dieu, il faut que je rentre. Il est 10h30. Que vais-je dire? Oh! Que j'étais ivre morte et que tu m'as raccompagnée. Nous nous embrassons. Les écoliers, avec leurs cartables, sont passées depuis longtemps. Les ménagères rentrent chez elles, leur cabas plein, les courses déjà faites. Elle descend de la voiture et court jusqu'à l'immeuble où elle habite. Elle se retourne avant de pousser la porte. Un dernier sourire, un dernier baiser, ivre de fatigue et d'un bonheur étrange fait d'un mélange de joie et d'angoisse. Je subis les assauts de la ville qui reprend pour moi une réalité que la nuit, l'aube et Alice lui avaient fait perdre à mes yeux. Les embouteillages qu'un marché hebdomadaire provoque sur la route du retour me replongent dans mes pensées. À nouveau, comme hier, agité et contradictoire. Alice m'aime, Alice ne m'a pas trompé, elle ne s'est pas jouée de moi. Je suis aimée et j'aime, je le sais, mais Isabelle, et demain? De quoi sera-t-il fait? Qu'allons-nous devenir toutes les trois? Je me sens à la fois comblée et vidée. Je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées, mes sentiments sont confus. Je crois parfois qu'une vie nouvelle commence pour moi et j'ai en même temps l'impression de reproduire une situation que non seulement je connais, mais qui m'a fait horriblement mal en dedans. Une seule chose est certaine, je ne puis désormais rien éviter. Toutes mes résolutions se sont effondrées, je suis le jouet des événements que je provoque ou qui m'entraînent, comme une feuille poussée par le vent. Souvent, dans ces cas-là, je me réfugie dans un on verra bien qui me suffit puisque je ne puis trouver de raison pour faire un choix, ni de principe ou fonder une attitude. À mesure que j'approche de chez moi, ces questions, ces inquiétudes s'estompent, il me faut parer au plus pressé. Isabelle doit m'attendre depuis des heures, au carrefour, juste avant la maison. Je me trouve nez à nez avec la voiture d'Aimé. Elle est au volant, complètement endormie, les cheveux embroussaillés. À côté d'elle, Isabelle, qui me fusille du regard et brandit son poing. Je me gare en vitesse. J'ai une longueur d'avance. Je monte aussi vite que je le peux. Malgré la difficulté avec laquelle je marche, je ne veux pas d'un esclandre dans la rue. Isabelle arrive sur mes talons. Elle se jette sur moi, essaie de me frapper. Aimé la retient, elle est hors d'elle. Où étais-tu? Salope, salope, tu es folle. Tu risques une éventration à te traîner comme ça 10 jours après ta sortie de clinique. Tu as vu l'heure? Espèce de folle. Je pars à peine les gifles qu'Aimé ne parvient pas à m'éviter. Je ne dis rien. Je suis coupable. Où étais-tu hein? Où étais-tu? Avec les filles. On a été à l'étrier puis au pichet. Je m'excuse comme un écolier pris en faute. Jusqu'à 11h du matin? Tu me prends pour une conne ou quoi? J'ai raccompagné Alice. Elle était ivre morte. Je lui ai fait boire du café et j'ai attendu qu'elle soit un peu mieux. Elle n'arrivait pas à tenir debout. Elle va m'entendre celle-là, hurle Isabelle. Depuis 6h je téléphone partout. Je réveille Aimé et nous allions faire les hôpitaux. Et toi tu te balades avec ton ventre ouvert. Merde, merde, merde. Elle frôle la crise de nerfs. Aimé s'en occupe. Je me glisse dans la salle de bain. Je me déshabille à la hâte et me couche sans un mot. Tapis entre les draps. Je l'entends venir enfin, marmonnant encore. Elle s'allonge loin de moi et me tourne le dos. Je ne suis pas fière. Le jour gris de novembre n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Je lui ai fait mal. Je lui ai fait peur. Je suis retombée dans ma folie de l'été. Et pourtant je l'aime. Je l'aime ma petite fille qui dort à nouveau près de moi sans savoir le tumulte de mes pensées et les tressaillements de mon cœur. Sans savoir que je vogue à nouveau loin d'elle. Qu'allons-nous devenir? Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? On verra bien. Je m'endors en femme heureuse. En femme aimée et inquiète, retrouvée ou perdue. 5. Souvent le dimanche matin, après les soirées agitées du samedi au club, nous sortons vers 7h, lasses, épuisées parfois, la tête pleine de musique et les cheveux imprégnés par l'odeur du tabac, trop fatiguées pour préparer une collation à la maison, et trop affamées pour nous coucher sans manger. Nous allons nous installer tout au café du coin. La salle est presque déserte. Nous l'occupons, mes filles et moi, leurs amantes, ou des amis qui ne se décident pas à nous quitter. Nous nous détendons, rions, plaisantons, commentant les incidents drôles ou désagréables de la soirée. La patronne nous prépare des œufs au jambon. Le patron nous sert des cafés. des chocolats et des croissants encore chauds. Quelques consommateurs égarés, étrangers au quartier, regardent étonnés cette tablée de femmes seules que l'absence de cavaliers ne semble pas gêner. De quel bal étrange sortons-nous donc? Car nous sommes qui en robe longue, qui en pantalon de satin, en gilet brodé, en chemisier de fine soie. On ne peut pas nous confondre avec une équipe de basketteuses partant à l'entraînement. Nos conversations les renseignent vite, mais pas de regard hostile ni de sourire narquois, ni de réflexion blessante. Nous sommes majoritaires et les patrons nous aiment bien. La petite dactylo qui sort d'un bal tout proche avec son petit ami se contente de se serrer frileusement contre lui, de crainte d'une agression sans doute. Rassurez-vous, mademoiselle, on n'enlève plus les sabines de nos jours. Nous ne sommes pas des goules et ne nous précipitons pas automatiquement sur tout ce qui porte jupe et cheveux longs. D'ailleurs, ça nous créerait parfois des surprises, surtout au bois de Boulogne. Tandis que nous nous restaurons, la rue s'anime peu à peu. Le marchand de journaux a ouvert son éventaire puis a vite traversé la rue pour avaler un petit blanc en lorgnant son étalage. Les femmes de ménage hâtent le pas, avec leur inséparable cabas de ciré noir mystérieusement gonflé. Prune, le clochard, est déjà fin sous. Il titube, également, se pousse pour faire place à une femme qui demande un bouillon cube. Il va dans un coin et farfouille dans son barda planqué sous un flipper avec la bénédiction des gentils auvergnats aux cheveux blancs qui entament une longue journée de bistrotier. Le soir, Prune dort dans une porte cochère près du Katmandou. Il est très poli, très correct. Il ne tend pas la main à mes clientes. Nous entretenons des rapports de bon voisinage. L'été, il part sur la côte et cède son pas de porte à une clocharde acariâtre qui gueule quand on sort du club en faisant du bruit. Nous préférons Prune comme colocataire. Il y a quelques années, à l'entrée du théâtre du Vieux Colombier qui n'était pas encore muré, sévissait un unijambiste hargneux qui menaçait de sa béquille ceux qui ne lui donnaient pas la pièce, et venait déposer sa crotte juste devant notre porte. Depuis l'arrivée d'Alice, on me voyait de plus en plus souvent à ses petits déjeuners. Elle habitait tout à côté et traînait sans jamais vouloir rentrer chez elle. Même fatiguée, je restais, stoïque, le rimel brûlant les yeux et les paupières, pour jouir encore quelques minutes de sa présence. Le plus souvent, en semaine, à la fermeture, lorsqu'Isabelle n'était pas au club, je faisais mine de partir. J'embossais ma voiture au coin de la rue suivante, en attendant que le personnel aimé soit parti à leur tour. Alice les quittait sur le trottoir et remontait à pied vers moi, comme à Cannes. Nous restions dans la voiture et nous nous embrassions. Lorsqu'il faisait trop froid, nous retournions aux quatre dont j'avais les clés. Nous nous embrassions mais ne parlions presque pas. Souvent Alice semblait lointaine. Lorsque je m'en inquiétais, elle me répondait, cette situation. Je n'avais rien à répondre. Parfois je lui faisais l'amour sur les divans du premier étage. Je détestais ça. Énervée par nos baisers sans fin, nos corps emmêlés se frottant vainement l'un à l'autre, ma main descendait jusqu'à son jean. Je baissais la fermeture de sa braguette, ma main glissait dans son slip, j'effleurais sa toison, cherchais ses lèvres à peine humides. Je les caressais maladroitement, parce que malaisément, nos corps couverts de vêtements, sans une bribe de sa peau contre la mienne, rien qu'une blessure étroite, invisible, où mes doigts s'agitaient désespérément, prétextant que les divans étaient sales, que tout le monde s'y asseyait, elle refusait d'enlever son pantalon pour que je l'embrasse. Cette caresse fruste se terminait rapidement par un orgasme léger qu'elle atteignait très vite, avec un petit cri faible. Je retirais ma main tandis qu'elle remontait sa fermeture éclair. C'était sordide. Nous nous taisions un long moment, moi gênée par cette masturbation hâtive, silencieuse, mécanique. Elle perdue dans je ne sais quelle pensée. Elle ne manifestait guère le désir de me caresser à son tour. Pudique, je ne voulais pas lui montrer mon sexe encore clairsemé ni la cicatrice rose qui commençait seulement à s'estomper. Elle n'insistait jamais. Elle se laissait faire, jambes écartées, sans désir, résigné comme s'il s'agissait d'une formalité. J'avais la désagréable impression de tirer un coup. L'amour, ça, ce n'était pas cela que je voulais. Je voulais une chambre, un lit où nous serions l'une près de l'autre, comme à Cannes. J'étais insatisfaite, affamée de mieux la connaître. Nous n'avions pas assez fait l'amour ensemble et peut-être le faisait-elle bien, au bout du compte. Mais comment le savoir? Comment la retrouver contre moi, avec ses petits seins absents et si attendrissants? Je voulais faire l'amour avec elle tout entière. Et là, qu'avais-je? Quelques soupirs qui sonnaient faux, un cœur qui gardait ses secrets, une tête pleine de pensées que j'ignorais. Au début, je lui avais timidement suggéré de nous retrouver chez sa sœur, puisque celle-ci partait travailler à l'aube. Elle avait souri et répondu d'un air énigmatique. Plus tard, peut-être, je n'avais pas insisté. Après la folle et brûlante déclaration du lundi matin où elle m'avait reprise, de nouveau elle se taisait. Je retrouvais, désagréablement, la même Alice que cet été. Cette sensation me gênait, me troublait. Parfois, j'avais l'impression que près de moi, horreur, elle s'ennuyait. Impression fugitive que mon orgueil, que ma confiance en moi et ma foi en elle balayaient aussitôt. Il nous arrivait parfois de sortir toutes les trois. Ainsi, le jour où nous avions finalement convaincu Alice de changer ses godillots pour des bottes moins lourdes et plus gracieuses, nous passâmes la chercher en début d'après-midi. Je me garai devant son immeuble et Isabelle monta la réveiller. J'attendis près d'une heure. J'étais agacée. Qu'est-ce qu'elle fabriquait? Un doute léger affleure ma raison. Je le chasse vite. Monter les retrouver? Je ne connais pas l'étage, et je ne veux pas jouer les espions. Jamais. Je ne pourrai jamais faire ce genre de choses. Épier, ruser, feindre, mentir, ourdir, comploter et peut-être surprendre, comprendre. Non, non, j'en suis incapable. Elles arrivèrent enfin. Je faisais la tête et cela se voyait. Pardonnez-moi, mais j'avais du mal à émerger. J'ai tellement bu hier. Point. Son sourire le plus enjôleur, le plus tendre, son regard le plus franc, le plus complice. Vous buvez trop. Pourquoi ne rentrez-vous pas lorsqu'on ferme, au lieu d'aller traîner tous les soirs? Elle pose une énigme aux gens du 4. Elle est mignonne tout plein et beaucoup de filles lui font des avances, puisqu'elle est censée être libre. Elle est lude avec gentillesse et charme. Mais cela ne saurait durer éternellement. Les clientes et mes filles vont finir par se poser des questions à son sujet. Aveugle bélier, tête baissée, je fonce et je m'enfonce. Je ne veux pas présager du futur. Je ne veux qu'essayer de la conquérir. Tout me semble compromis. Je me demande si vraiment elle m'aime. L'autre soir encore, au moment de fermer, Momo la disquaire a lancé, et si on allait manger un morceau à la Calavado? Oh oui, j'ai faim, s'est écrié Alice. Je l'ai foudroyée du regard. Nous étions convenus 10 minutes plus tôt de nous retrouver à notre coin de rue. J'essaie de rattraper, je lui tends la perche, mais vous me disiez que vous mouriez de fatigue. Non, non, ça m'a passé. J'ai surtout faim. Elle fuit mon regard. On ferme. Je suis folle de rage et me maîtrise à grand-peine. Il n'y a pas assez de place pour toutes dans la voiture d'Aimé. Venez, Alice, je vous dépose, c'est sur mon chemin, lui dis-je, le visage fermé. Viens avec nous, me disent les autres. Non, merci, je suis fatiguée. Je rentre me coucher. Je ne pouvais pas dissimuler mon dépit, ma colère. Dans la voiture, je conduis rageusement. Je ne parle pas. Alice non plus. Elle est rancognée contre sa portière, hermétique. Dans la voiture devant, les autres rient, nous font des signes par la vitre arrière. Je ne peux pas supporter ce silence. Je l'aime. Je pose ma main sur sa cuisse qui se raidit. J'essaie d'adoucir ma voix, je me fais pateline. Je rentre mes griffes mais je serre les mâchoires. Pardonne-moi ce mouvement d'humeur. J'ai été si déçue. On ne peut pas continuer comme ça. Aie de la patience. Je te jure que tout s'arrangera. Nous nous sommes promis la patience. Son front plissé, ses sourcils froncés, son visage énigmatique. Tous les mauvais souvenirs me remontent à la gorge et la serre. Ce déjà vu, connu, vécu. Oh non, pourquoi as-tu accepté cette invitation? J'ai faim. Ça m'a échappé. Nous pouvions aller souper toutes les deux ailleurs. Trop tard. Vis-à-vis des autres, je ne pouvais pas revenir en arrière. Au moment de me quitter, son visage se radoucit soudain. Son œil se refit malin et son sourire enjôleur. Elle cligna de l'œil, me serra fortement le bras et effleura mes lèvres avant de descendre de la voiture. J'attendrai. Je suis plus patiente que tu le penses. Bonsoir. Je suis entrée, mélancolique. Si ce depuis quelque temps déjà, Isabelle et moi nous ne nous voyons presque plus. Elle dort quand je rentre et je dors quand elle part. Elle se blottit contre moi en gémissant dans son sommeil. Je la prends par la nuque, sa nuque si frêle, si délicate. J'ai parfois envie de serrer jusqu'à entendre craquer les ossements s'étendre, serrer le cou menu de ce corps collé contre moi, dont j'entendrai le cœur s'affoler contre ma poitrine jusqu'à ce qu'il éclate et s'arrête. Je serre doucement. Je l'aime, ma petite Isabelle, ma petite fille, mon tendre enfant, mais peut-être en ai-je assez de cette femme enfant légère et capricieuse. Ce que je vous à Alice, c'est autre chose. C'est une attirance trouble, glauque. Je sens qu'avec elle rien ne sera jamais simple et clair et c'est cela même qui m'attire comme un vertige. Je suis attiré vers une toile d'araignée dont l'habitante m'hypnotise et m'effraie. C'est pour moi une sensation neuve que je découvre, inquiète, mais à la fois fascinée par ce parfum non éprouvé. Je veux Alice. Je la veux entièrement et qu'elle se débatte ne fait qu'augmenter mon désir et mon zèle conquérant et trouble. Mon royaume où Isabelle est reine, pour ce cheval qui bronche et se rebiffe. Je suis aveugle et sourde. C'est moi la carne à qui on a mis des hier, mort aux dents, écume à la gueule. Je ne vois plus rien qu'Alice. Je ne veux pas connaître l'avenir. Je ne veux augurer de rien d'autre, d'Isabelle, de moi. De nous trois. Je galope, tête basse, vers un seul but, la conquête d'Alice, sa conquête totale. Les obstacles m'exaspèrent, je me cabre, je hennis. Après moi le déluge, après Alice peut-être l'apocalypse, peut-être le désastre et la déception rapide, qu'importe. Je vis dans l'adultère, et pour la première fois de ma vie, je n'y vois pas d'issue. Quand j'ai connu Isabelle, j'ai quitté aimé avec remords mais sans regret. Ma passion avait été la plus forte. Et puis aimé était de taille à survivre sans dommage. Mais Isabelle, belle, paresseuse, sans le foyer que je lui offre et sans ma protection attentive, qu'allait-elle devenir? Je le lui lançais dans les moments de grande colère. Sans moi tu serais une poutre. Son goût de luxe facile acquis grâce à la vie qu'elle avait auprès de moi depuis 4 ans. Qui d'autre qu'un homme pourrait le lui offrir? Une autre femme mûrissante, à la situation confortable, hélas j'en connais fort peu. Et l'aimerait-elle ma petite Isabelle parfois si dure à vivre, ou bien ne l'achèterait-elle que comme un beau joujou? L'amour, l'argent, la passion, l'intérêt, l'ambition, une belle merde que tout cela. Que ne peut-on être indifférente et lucide? Mais je m'égare. Aveuglé que je suis par l'agitation de mon esprit, me voici soudain en train de souhaiter tout ce que je ne suis pas, je dépérirais si jamais l'indifférence, même doublée de lucidité, venait à remplacer dans mon cœur toutes les passions sur lesquelles j'ai construit ma vie. Je dépérirais si jamais elle venait à tarir les désirs de femme dont je me laisse à chaque fois envahir sans penser aux conséquences. Il n'en reste pas moins que je suis aujourd'hui enlisée, engluée dans mes contradictions. Je ne peux quitter Isabelle, et le souhaitais-je vraiment? Et je veux Alice, entièrement Alice, je veux qu'elle m'aime comme je l'aime déjà. D'autre part je ne dois pas oublier que je compte en faire ma seconde, ce qui me permettrait d'avoir une boîte sur la côte, ouverte pendant toute l'année. Et si cela se réalise, qu'adviendrait-il de notre passion? Nous serions irrémédiablement séparés, l'une à Paris, l'autre à Cannes, nous croisant dans les aéroports. Notre liaison est vouée à la rupture certaine. Je ne veux donc pas écarter Isabelle de ma vie où elle tient encore tant de place si ce n'est plus, pour l'instant, la première. Détrôner ma jeune reine, Par une liaison morganatique dont les jours sont comptés dans le temps, je joue sans doute un jeu dangereux qui n'en vaut pas la chandelle. Qui donc est cette femme dans les bras de laquelle je fonds et qui fuit entre mes doigts, pour régler soi-disant certaines affaires de loyer et d'assurance avec Dan-I? Alice m'annonce qu'elle compte descendre quelques jours seulement à Cannes. Cela fait juste un mois qu'elle est ici. Le temps de son congé, je suis effrayée à l'idée qu'elle puisse repartir à Cannes pour de bon. D'ailleurs n'est-elle pas très distante en ce moment, ne me traite-t-elle pas comme une étrangère? Ces histoires de loyer ne sont-elles pas un simple prétexte pour quitter Paris et retrouver son travail sur la côte, avant qu'il ne soit trop tard? Je n'hésite pas un instant, je t'accompagne. Elle se raidit aussitôt. Pas question. Je pars seule. Non. Je viens avec toi. Tu es encore trop faible vis-à-vis de Dan-I. Tu risquerais de céder à son chantage à la pitié et de rester là-bas. Pas du tout. Tu n'as pas confiance en moi? Je ne veux pas descendre avec toi. Si tu crains mon insistance, rassure-toi. Nous descendrons en camarades si tu le désires. Et tu sais que je sais tenir mes promesses. Il n'est pas question de ça. Folle que tu es, si nous descendions ensemble, tu sais très bien que ce ne serait pas en camarade. Si tu veux, je reste ici. Son ton et son regard ont changé comme par enchantement. Elle a cette incroyable faculté.